aux acquéreurs il y a de cela 5 ans d'une maison de maître dans un petit village de Meuse. Nous nous posâmes la question il y a de cela 2 ans. Mais que faire de cette pièce en mensuration généreuse? 50 mètres carrés au sol, déjà isolé, juste un petit coup de peinture, tiens moi je vois bien du violet. Un très joli volume, et de plus mansardé, une pièce parfaite. Mais pour quelle activité? Nous réfléchîmes ensemble, Aurèle et moi. Pour toi et puis pour moi, pour jouer ensemble. Tu veux une salle de ping-pong? J'aime pas trop le ping-pong. Un billard américain? J'aime pas non plus le billard. Une immense maquette avec des trains électriques, la gare de Coqlezout avec des arbustes en plastique. Soudain, elle m'interrompt et me jetant un regard noir et froid, elle me dit avec aplomb: bon, on a plus 12 ans, arrête avec tes histoires. Des trains électriques, j'en veux pas à la maison. C'est vrai, on n'aime pas le Monopoly, autre jeu de plateau. On préfère une de mes notes et de jeux bucogénitaux. De scénarios érotiques, de domination douce. Quand nos envies erratiques, bien souvent nous poussent à dépasser les dogmes judéo-chrétiens. Qui convenez en reste le fantasme de tout à chacun. Réflexion, ça nous allâme chercher les pinceaux. Et nous nous mîmes au travail dans la pièce du haut. Nous réfléchîmes ensemble, Aurèle et moi. Il faut un truc sympa qui nous ressemble. Une jolie pièce pour toi et puis pour moi. Pour jouer ensemble. Une semaine plus tard, l'endroit était méconnaissable. Lumière tamisée, un petit bar, une petite table. Les poutres apparentes furent bien sûr utilisées pour y accrocher des chaînes. C'est sympa, les pièces m'en sortent des la poutre centrale, un gros anneau d'écurie. Pour y fixer une balançoire, la sécurité n'a pas de prix. Sous une paroi lisse, on aperçut trois ronds. Le plus proche du sol, c'est celui du patron. C'est ma gentille Aurèle qui m'a fait ça. J'ai un petit gloriole juste chez moi. Alors j'explore le lieu avec aisance dans les deux sens. Du coup une semaine sur deux comme chez nous y'a pas d'enfant. Nous faisons la fête entre adultes consentants. Rien n'est bien méchant, on s'amuse un peu c'est tout. Et puis un peu de pudeur, quoi le reste vient pour nous. On vit des anecdotes croustillantes pour perdre la tête. Parfois je pars ma quiquette après 27 bouteilles de jet. On reçoit des copains vendus à 27 cm. 27 cm, waouh, on achète. Chaque chose en son temps, pas de regret, pas de jugement. On a tous nos limites, mais un jour tu claques. Et alors du dernier jugement, tu te dis bordel, tu te dis bordel. À mon sens, il faut de temps en temps sortir de ses carcans, dépasser ses limites. Car un jour, tu claques et tu dis c'est navrant. Tu te dis bordel, j'ai jamais sucé une bite. Ce serait dommage.